Chapitre 4. Pendant que Julien Gémozac et son camarade Freinet cherchaient au concert des ambassadeurs l'énigmatique comtesse de Lugos, qui venait de disparaître avec son équivoque cavalier, Camille Monistrol et ses auxiliaires se préparaient à entrer en chasse. 10 heures venaient de sonner. Ils étaient réunis dans la cuisine de la maisonnette du boulevard Voltaire, et tous les trois sous les armes, c'est-à-dire en tenue d'expédition. Courapier avait exécuté avec intelligence et célérité les ordres de Camille. Un magasin de vêtements confectionnés l'avait habillé de pied en cap et lui avait fourni un costume pour Georget et un costume d'homme pour Mademoiselle Monistrol qui, avant de l'expédier, lui avait remis de quoi payer comptant tous ses achats et même de quoi commencer sur un bon pied une existence nouvelle. Un des 5 rouleaux d'or avancés par M. Gémozac père y avait passé. Le pitre s'était travesti en petit bourgeois de banlieue et il possédait ce qu'on nomme au théâtre le physique de l'emploi. Georget avait très bon air sous la veste à boutons et la casquette galonnée d'un petit groom de restaurant. Mais le déguisement le plus réussi était celui de Camille, vêtue en apprentie d'imprimerie, avec la longue blouse blanche et coiffée d'un béret qui cachait entièrement ses beaux cheveux noirs, relevés, pour la circonstance, sur le sommet de la tête. On eût dit qu'elle avait porté toute sa vie le costume masculin et, comme elle était au moins aussi grande que Courapier, personne ne l'aurait prise pour une femme. Brigitte n'en revenait pas de ce changement et commençait à croire que, dans la rue, les gens s'y tromperaient. Ce n'était pas qu'elle approuva cette excursion nocturne en compagnie d'un saltimbanque de profession et d'un gamin élevé sur des tréteaux. Elle avait au contraire prêché sa jeune maîtresse pour tâcher de la détourner de ce projet. Mais comme son éloquence n'y faisait rien, elle s'était résignée, forte à contre-cœur, à souffrir ce qu'elle ne pouvait empêcher. Cette ancienne nourrice était une robuste gaillarde, sèche et hâlée comme une paysanne, brave comme un vieux soldat et dévouée comme un caniche. Elle avait d'abord assez mal reçu Courapier, mais elle aimait les enfants et Georget l'avait apprivoisée à ce point qu'elle s'était mise en 4 pour cuisiner un bon dîner auquel le père et le fils avaient largement fait honneur. Brigitte aurait même donné volontiers la pitance à Vigoureux, mais pour qu'il la mangeât, il aurait fallu le démuseler et Courapier s'y était opposé. Courapier, qui connaissait l'animal, affirmait que ce dogue féroce dévorerait quelqu'un aussitôt qu'il pourrait se servir de ses crocs, et il ne se trompait pas. Il avait eu déjà assez de peine à le mater, et du Vigoureux devenir enragé à force de privation, mieux valait ne pas lui délier la gueule. Il était là, dans un coin de la cuisine, attaché par le cou à un des pieds massifs d'une énorme table, le mufle allongé sur ses pattes étendues, la boîte entre les dents, l'écume aux babines, grondant sourdement et roulant des yeux injectés de sang. On voyait qu'il se sentait vaincu, mais qu'il attendait une occasion de prendre sa revanche, et en vérité, il n'aurait fait qu'une bouchée de Georget. « Nous sommes prêts, » dit Camille. « Il est temps de partir. »« Tu ferais bien mieux de rester, » grommela Brigitte, qui avait gardé l'habitude de tutoyer la jeune fille qu'elle avait nourrie de son lait. « D'autant plus, » ajouta Courapier, « que nous deux, Georget, nous ferions bien la besogne sans vous, mademoiselle. Je préférerais même la faire tout seul. » « Non, père, » dit vivement Georget. « Mademoiselle m'a permis d'en être et j'en serai. »« Nous en serons tous les trois, » reprit d'un ton ferme Mademoiselle Monistrol. « S'il y a des dangers à courir, j'en veux ma part. »« Des dangers ?» dit entre ses dents Courapier. « J'espère que non, puisqu'il ne s'agit que de découvrir où niche cette canaille de zigzag. S'il fallait l'arrêter, ça serait une autre paire de manches. Il se défendrait, le gueux, et nous passerions un mauvais quart d'heure. » « Ce soir, il suffira que je le voie. Quand je l'aurai reconnu, je sais ce qu'il me restera à faire. »« Le voir sans qu'il nous voie, j'ai peur que ça ne soit pas très commode. Vous pensez bien qu'il ne se montre pas dans les endroits publics. Et s'il loge en garni, il ne fera pas bon monter chez lui. »« Le principal, c'est que je sache où il est. Et si le chien nous y conduit, comme vous l'espérez ?»« Oh, ça j'en réponds. À moins que Vigoureux ne s'échappe en route. Et il ne s'échappera pas. » « La corde est solide et j'ai bonne poigne. Il nous mènera tout droit au gîte de son maître. C'est quand nous en approcherons que les difficultés commenceront. En attendant, ça me chiffonne de laisser partir la boîte. Si je pouvais la casser à coups de marteau, nous verrions ce qu'elle a dans le ventre. Pas moyen, père. Elle est doublée en acier, dit Georget. Mais nous pourrions assommer Vigoureux et après... Tu lui en veux parce qu'il t'a mordu souvent. Ça m'irait aussi de l'exterminer. Seulement, sans lui, nous ne repincerions jamais cette canaille de zigzag. C'est vrai que si nous réussissions à ouvrir le petit coffre, nous y trouverions probablement ses papiers. Et autre chose avec, père. S'il n'y avait que des papiers, ça ne ferait pas de bruit quand Vigoureux se secoue. Des fausses clés, peut-être. Ou un couteau catalan. Je lui en ai connu un dans le temps, et je n'ai jamais su ce qu'il en avait fait. Camille écoutait, en fronçant le sourcil, ce dialogue entre le père et le fils. « Vous avez donc peur de cet homme ?» dit-elle froidement. « Mais, mademoiselle, il y a de quoi ?» murmura Courapier. « C'est bien, j'irai seule. Ce chien me guidera. Je suis assez forte pour le tenir en laisse. »« Et je souffrirai ça ? Faudrait que je sois bien lâche. Ce que j'en disais, voyez-vous, c'était parce que ça me crève le cœur de ne pas garder la boîte. » Mais il y aura peut-être un moyen de tout arranger. Une fois que nous saurons où Zigzag s'est erré, si vous ne tenez pas à entrer, nous pourrons ramener Vigoureux. Et comme nous n'aurons plus besoin de lui, je me paierai le plaisir de le pendre avec sa laisse. En attendant, Courapier lui lança un coup de pied dans les côtes et le dogue se leva en poussant des grognements étouffés. En même temps, Georget défit le lien qu'il attachait au pied de la table et remit le bout de la corde à son père. Il y eut alors une bataille entre l'homme et la bête, mais Vigoureux, solidement muselé, n'était pas très redoutable. Il eut beau se cabrer et se ruer sur Courapier, force lui fut de se remettre sur ses quatre pattes. Il recommença alors à tirer sur sa chaîne de chanvre pour gagner la porte. « Voyez, il ne demande qu'à marcher !» dit Courapier. Nous n'avons plus qu'à le suivre, et il va nous mener bon train. » Camille embrassa Brigitte, qui avait le cœur gros, et lui dit avec le sang-froid d'un soldat partant pour monter à l'assaut, « Si je n'étais pas rentrée avant le jour, tu irais prévenir M. Gémozac, quai de Gemap, 124, et tu lui dirais ce qui s'est passé ici ce soir. Il ferait ce qu'il faudrait pour qu'on me retrouvât. »« Oh, mademoiselle !» s'écria Courapier. « Ça n'arrivera pas, ce que vous dites là. Pensez donc que nous sommes trois. » Zigzag ne nous escamotera pas tous les trois comme des muscades, quoiqu'il travaille aussi dans cette partie-là. Il file la carte comme pas un, et il ferait sa fortune au bon taux s'il n'avait pas de meilleur tour dans son sac. Mais il ne s'agit pas de ça. S'il y a un mauvais coup à recevoir, ce sera pour moi. Et je n'ai pas peur de mourir, parce que je suis sûr que vous auriez soin du petit. « Il ne me quittera jamais, quoi qu'il arrive, » dit Camille. « Mais je ne veux pas que vous risquiez votre vie. » Et vous ne la risquerez pas cette nuit, car nous nous bornerons à une simple reconnaissance. Du reste, si nous étions obligés de nous défendre, j'ai un revolver sous ma blouse, et je saurais m'en servir. » Brigitte leva les bras au ciel en entendant cette déclaration belliqueuse. La brave femme savait que Camille ne craignait rien au monde, mais elle ne s'était jamais figuré que Camille ferait au besoin le coup de pistolet. « Mademoiselle, » reprit Courapier, « c'est le moment de nous mettre en route. Plus nous tarderons et plus nous aurons de mauvaises chances contre nous. Zigzag ne doit pas loger dans les beaux quartiers, et s'il s'est caché du côté des fortifications, il ne fait pas bon par là après minuit. » Mademoiselle Monistrol embrassa Brigitte, qui pleurait sans mot dire, et sortit en faisant signe à ses nouveaux amis de la suivre. Elle avait pris la tête de la petite troupe qui partait en guerre contre l'affreux Zigzag, mais elle reconnut bientôt la nécessité d'intervertir l'ordre de marche. L'itinéraire n'était pas fixé, puisqu'on ne savait pas où on allait. Il fallait donc s'en rapporter à Vigoureux, et Courapier, qui le tenait en laisse, devait logiquement passer le premier. Ainsi fut fait quand la colonne se forma sur le boulevard Voltaire. On décida même que le mari d'Amanda marcherait seul, un peu en avant, et cela par la raison qu'il était vêtu comme un bourgeois aisé, et que les passants pourraient s'étonner de le voir flanqué d'un ouvrier en blouse et d'un gamin en livrée de fantaisie. Camille et Georget restèrent donc à l'arrière-garde, et, habillés comme ils l'étaient, ils pouvaient aller côte à côte sans qu'on les remarquât. La question qui les intéressait tous, c'était de savoir quelle direction le dogue allait prendre. Vigoureux n'hésita pas une seconde. Il se mit à descendre le boulevard avec un élan que Courapier eut toutes les peines du monde à contenir. Jamais Limier, approchant d'une enceinte où s'est remisé un sanglier, ne tira avec plus de force sur sa longe, tenue par un valet de chien. Bien en prit à l'ancien pitre d'avoir du biceps. Du reste, il n'y avait personne pour assister à ce départ, et rien n'empêchait Camille et Georgette d'échanger leurs impressions. « Elle sait bien où elle va, la sale bête !» murmura Georgette. « Je le crois, » dit Camille. « Et son maître ne doit pas être loin d'ici. Savoir, mademoiselle. Zigzag serait à Versailles que Vigoureux le sentirait tout de même. Tenez, l'an passé, nous faisions la Picardie. » On l'avait enfermé dans une écurie à Roiselle, où nous avions couché, et on l'y avait oublié. Il a cassé la porte, et il nous a rattrapés le soir à Péronne. Il y a bien 3 lieues de pays. Zigzag, des fois, s'amusait à le perdre exprès pour montrer comme il savait retrouver son chemin, et pour épater les bourgeois des villes où on travaillait. On lui en a offert des 200 et 300 francs, mais il n'a pas voulu le vendre. Il sait que Vigoureux le défendrait si on voulait l'arrêter. Il craint donc d'être arrêté ? Dame, il n'a jamais eu de papier, depuis qu'il voyage avec nous, ou, s'il en a, personne ne les a vus. Ça fait qu'il n'aime pas les gendarmes, mais il est malin comme un singe, et il se tire toujours d'affaire, à preuve qu'on voulait l'arrêter l'autre semaine et qu'on l'a laissé aller. Et puis, ajouta Georgette en baissant la voix, si jamais un agent lui mettait la main dessus, Zigzag n'aurait qu'à siffler son chien. Amanda l'a dressé à sauter à la gorge de n'importe qui dès qu'elle lui fait signe, et un signe qu'on ne voit pas. Elle a un truc. Père dit que c'est en faisant craquer ses ongles et en regardant l'homme qu'elle veut faire étrangler. Vigoureux comprend. Camille tressaillit. Son père était mort étranglé, et le mot que Georgette venait de prononcer lui rappelait une effroyable scène. Elle se tut, et l'enfant n'osa pas continuer l'entretien. Il marchait d'ailleurs aux allures vives, afin de ne pas se laisser distancer par coups à pied, que le bouledogue entraînait plus vite qu'il ne voulait. Si vite qu'ils arrivèrent bientôt au bout de ce long boulevard, c'est-à-dire sur la place du Château d'Eau. Là, il y avait du monde, des voitures, une station d'omnibus, mais ils n'attirèrent pas trop l'attention. Quelques flâneurs s'arrêtaient ou se retournaient pour examiner ce gros chien qui tenait un coffret dans sa gueule, mais ils n'y voyaient pas la courroie qui lui liait le museau et ils n'y prenaient pas garde. À Paris, les chiens portant des paquets ne sont pas rares, et Courapier n'avait rien qui le distinguât des autres passants. Camille et Georgette hâtèrent un peu le pas parce qu'ils craignaient de perdre de vue leur chef de file, et ils virent qu'après avoir traversé l'esplanade plantée qui s'étend devant la caserne, il enfilait, sans hésiter, le boulevard Magenta. C'était presque une indication. Cette large voie remonte vers les hauteurs de l'ancienne banlieue du Nord. Elle conduit à Montmartre ou à la Villette, suivant qu'on tourne à gauche ou à droite lorsqu'on arrive aux boulevards extérieurs. Ainsi commençaient à se vérifier les prédictions de Courapier qui, en s'abouchant avec Mademoiselle Monistrol sur la place du Trône, annonçait déjà que Zigzag devait s'être réfugié dans un des arrondissements les plus éloignés du centre. L'ardeur de Vigoureux ne s'était pas calmée. Il tirait plus que jamais sur sa laisse, et s'il s'arrêtait parfois, c'était pour grogner sourdement contre Courapier qui se maintenait à la même allure régulière au lieu de prendre le pas de course. « Vous devez être fatiguée, mademoiselle, » dit doucement Georgette. « Non, » répondit Camille. « Je marcherai toute la nuit s'il le faut, mais ne m'appelle plus mademoiselle. Donne-moi un nom d'homme et retiens-le bien pour t'en servir si on nous parle. Jacques, voulez-vous ? Autant celui-là qu'un autre, pourvu que tu ne l'oublies pas. Oh, il n'y a pas de danger, mais j'espère qu'on ne nous dira rien. Tu crois donc que si on me parlait, on s'apercevrait que je suis une femme ? C'est possible, après tout. » « Je ne peux pas changer ma voix, mais s'il faut répondre, tu répondras pour moi. Et la preuve que je suis bien déguisée, c'est que les gens que nous rencontrons passent sans me remarquer. » À vrai dire, il n'en passait pas beaucoup. À 7 heures avancée, le boulevard Magenta n'est pas très fréquenté. Mais plus loin, il n'en serait peut-être pas de même, et Georgette, qui s'en doutait, redevint silencieux. Au boulevard extérieur, Vigoureux prit à gauche. C'est le chemin qui mène à la place Pigalle, qui reste animé, fréquenté jusqu'à 2 heures du matin. On pouvait s'attendre là à quelque incident, et il n'en survint aucun. Les couples attablés devant les cafés de ce rond-point ne se dérangèrent point pour regarder sous le nez Mademoiselle Monistrol ni ses auxiliaires. Le voyage continua donc sans encombre, et arrivé à la place où s'élève la statue du maréchal Moncey, Vigoureux s'engagea dans l'avenue de Clichy qui aboutit aux fortifications. Elle n'en finit pas, cette avenue de Clichy, et elle est assez mal fréquentée, le soir surtout. Au commencement, du côté de la place Moncey, ce ne sont que cafés où se rassemblent les artistes du quartier, débits où les ouvriers viennent se mettre le gosier en couleur, restaurants où les bourgeois des Batignolles dînent en partie fine. C'est bruyant, mais c'est honnête. Plus loin, l'avenue bifurque. Une des voies qui se présente aboutit à la porte de Clichy, l'autre à la porte de Saint-Ouen. Cette dernière passe tout près du cimetière Montmartre, et ce voisinage fait qu'elle n'est pas très habitée. Sur l'autre, au contraire, s'embranchent une foule de ruelles, d'impasses et de cités, où logent d'innombrables familles de travailleurs et quelques malvivants. Ce n'est pas encore dangereux, mais on s'aperçoit déjà que ces populations n'ont rien de commun avec les paisibles citadins des arrondissements du centre. On n'est pas en pays ennemi, on est en pays inconnu. Vigoureux prit le chemin le moins désert, à la grande satisfaction de Courapier, qui ne tenait pas à traverser des solitudes où on rencontre assez souvent des rôdeurs de barrières, en quête d'un mauvais coup. Une bande de ces malandrins aurait eu beau jeu contre une femme, un enfant et un homme embarrassé d'un chien qui, certes, ne l'aurait pas défendu en cas d'attaque et qui se serait probablement sauvé en emportant la précieuse cassette. Mais la joie de Courapier n'était pas sans mélange, car il voyait bien que le voyage allait se terminer hors de l'enceinte fortifiée et il savait qu'après la porte de Clichy, il n'y avait plus que des terrains vagues et des bouges. Vigoureux tirait plus furieusement que jamais, comme tire un cheval qui approche de son écurie, et Courapier se laissait traîner, quoiqu'il eût bonne envie de s'arrêter. Camille et Georget suivaient d'un peu plus près qu'auparavant. En campagne, au moment de traverser un défilé périlleux, les soldats éprouvent le besoin de se sentir les coudes. On rencontrait de temps à autre des figures peu rassurantes, et on passait devant des cabarets borgnes d'où sortaient des vociférations d'ivrognes. Mais Camille n'y prenait pas garde. Elle ne pensait qu'au meurtrier de son père, et il lui tardait d'arriver au repère où il se cachait. Elle ne réfléchissait pas qu'il lui serait probablement impossible d'y pénétrer, que, la nuit, elle aurait beaucoup de peine à reconnaître Zigzag, alors même qu'elle le verrait, et plus de peine encore à examiner ses mains. Elle allait, poussée par un violent désir de vengeance, et fermement convaincue qu'au moment décisif, Dieu lui suggérerait un moyen d'en venir à ses fins. Courapier, qui dirigeait la marche, passa devant la station du chemin de fer de ceinture et arriva au chemin de ronde qui longe les fortifications et qu'on a décoré le nom de maréchaux du Premier Empire. À gauche, le boulevard Berthier. À droite, le boulevard Bessières. En face, la porte de Clichy et une caserne de l'Octroi. Avant d'aller plus loin, le mari d'Amanda jugea qu'il était opportun de tenir conseil. Le lieu s'y prêtait, car on ne voyait personne. Des conspirateurs auraient pu s'y réunir et y jurer la mort des tyrans en pleine sécurité, comme les trois Suisses de l'opéra de Guillaume Tell dans la prairie du Grütli. Il ne s'agissait pas de prêter serment, mais de se concerter sur les opérations qui allaient enfin commencer sérieusement. Courapier se tira un peu à l'écart, prit position sur le talus inférieur du bastion le plus rapproché et appela à lui ses deux compagnons. « Mademoiselle, » dit-il quand le petit groupe fut formé, « voici le moment de prendre un parti. Au-delà de cette porte, nous allons nous trouver dans un des plus mauvais endroits de la banlieue. Et c'est là que Vigoureux nous mène, il n'y a plus moyen d'en douter. Eh bien, on risque sa peau à se promener à l'heure qu'il est sur la route de la révolte. Pourquoi ?» demanda Camille. « Parce qu'elle est déserte ?»« Au contraire, mademoiselle, parce qu'elle passe entre des rues trop peuplées. Des deux côtés, il n'y a que des garnis où tous les chenapans de Paris viennent coucher. Si Zigzag s'est terré là, ce n'est pas la peine de l'y chercher. Nous ne l'y trouverions pas et nous n'en sortirions pas vivants. »« Allons toujours, jusqu'à ce que le chien s'arrête devant une maison et après nous verrons. »« Et s'il nous conduit dans une cité ?» Une cité?